Lorsque tu quittes la maison des deux tourterelles, tu as en toi le souvenir, la vision de leur mine réjouie, submergée par l'émotion, le plaisir d'être l'une à l'autre. Un grand soulagement d'avoir vu ce poids levé sur le cœur et ta formule qui a emporté l'adhésion au projet par RL, le fait que lorsque tu lui as dit simplement qui est là pour toi, qu'elle a répondu et qu'elle a compris, entendu, qu'effectivement Brimbel était là, et que malheureusement Être n'était plus là, que sa vie était maintenant avec Brimbel. Tu avais un sentiment d'harmonie rétabli devant tes yeux, au travers de ces deux jeunes femmes qui n'étaient plus dans l'exubérance, qui étaient simplement dans le plaisir d'être l'une pour l'autre présente, dans le moment présent, dans l'instant, à savourer une verveine avec toi. Tu regagnes ton logis. La nuit est déjà entamée, mais tu ne sens pas ce soir la fatigue contrairement à la veille, parce que tu as sur le cœur ce baume de les avoir vus réjouis, et tu l'es aussi quelque peu, même si elle a, je crois, Kerel, non, c'est Brimbel qui t'a quelque peu inquiété en te susurrant à l'oreille son injonction. Pense à ta blessure, pense à la pensée. Veille à la pensée, oui. Tu sais plus comment elle l'a dit, mais elle t'a dit quelque chose de cet ordre. Lorsque tu reviens à la maison, qui est déjà un petit peu ta maison, c'était fort agréable, confortable que cette nuit que tu as passé la veille, tu retrouves ton lit prêt, frais, sous la mansarde. Et sans retenue, tu t'abandonnes aux délices d'un sommeil bien mérité. Toutefois, tu sens certains troubles qui t'éveillent à demi. Tu viens à songer dans un rêve de ceux qui s'étiolent sitôt qu'on s'éveille, où on a à peine à déterminer qui était partie prenante du rêve, qui était en celui-ci. Tu as le souvenir vague d'Elebor présente, qui brandit une torche enduite de poids, ruisselante de poids, et qu'elle abaisse sur la maisonnée de Brimbel et RL. C'est la dernière image que tu as en toi, et tu sens qu'il y a Quelque chose d'inquiétant dans ce rêve. Comme un mauvais présage après l'harmonie rétablie. Comme si une ombre s'était à nouveau projetée sur le tableau. Toutefois, la fatigue reprend dessus et tu retrouves les tâches du quotidien. Tu es parfaitement intégré à la vie de la ferme. Tu as appris auprès de Orm, m'as-tu dit ? Que faut-il pour conjurer ? Que faudrait-il pour conjurer ce mauvais présage ? Quel rituel devrais-tu accomplir pour écarter ces nuages qui pointent à l'horizon, alors que tu as fait en sorte que tout s'éclaire pour Brindel? Et son ami. Commentaire méta. Tout rituel que tu mets en œuvre, c'est toi qui l'invente. C'est juste un rappel. C'est toi qui m'exposes comment tu mènes ton rituel. Sitôt, dès lors qu'il porte sur une personne, le monde, il faut que un membre de la communauté y prenne part de façon volontaire, s'associe à toi dans le rituel. Tu peux pas le faire isolément. Toi, il s'agissait d'une évidence que de souffler à l'oreille d'Erel qu'elle devait dessiller ses yeux et contempler l'amour qu'elle éprouvait pour Brindel. Que faudrait-il pour que et les bords renoncent à son funeste projet. Qu'elle voit les yeux. Qu'est-ce que ce va lui mais comment faire ça? En quoi consisterait pour elle à ouvrir les yeux? Qu'est-ce qu'elle doit contempler? Que doit-elle accepter? Penses-tu que tu puisses le lui dire à elle directement? Si cela peut arranger les choses, oui. Après, je n'ai pas peur d'elle. Quelle est ta résolution ce bon matin, alors que tu sais pertinemment qu'en descendant après avoir entreaperçu la trappe se soulever subrepticement et... Il fenouil gratté, tu trouveras et les bords. Tu trouveras et les bords dans la cuisine. Qu'est-ce qui pourrait symboliser l'indépendance de l'amour que se portent les deux femmes? Qu'est-ce qui pourrait parler au cœur, parce qu'il s'agit de parler au cœur d'Elebor? Pas trop, pas grand-chose, parce que cela concerne un peu son fils. Tel que tu l'as évoqué avant, ça ne concernait que... Que les deux femmes. Oui, mais... Qu'est-ce qui symboliserait l'amour des deux femmes comme un amour souverain, parce que librement consenti? Qu'est-ce qui serait pour toi le manifeste de cet amour? Ton bracelet comporte les tresses de toutes les personnes auxquelles tu étais attaché au sein de la communauté. La tresse de leurs cheveux, c'est une partie d'eux-mêmes qui est à jamais avec toi au sein du bracelet. Jamais ils ne te quittent. Ils sont avec toi, mais ils restent eux-mêmes. RL et Rimbel se vouent un amour sincère. Et si être était le mari d'RL, il ne l'est plus dans le cœur. Il n'est plus le maître du cœur de RL. En revanche, RL et Brimbel sont attachés à la communauté, à ce lieu. Et dès lors, leur amour est légitime. Comment le dis-tu? Est-ce que tu files la métaphore? Non. Ou l'abordes-tu en tant que maître des esprits et en lui annonçant le mariage que tu vas l'union que tu vas bénir entre les deux femmes? La deuxième. Tu vas faire quoi? Quand tu me dis comment? Garde-moi. Je suis Elebor. Je suis face à toi et je t'ai servi ta soupe lorsque tu as daigné descendre. Alors, qu'as-tu à me dire, jeune dame? Je sens que tu boudes de me dire quelque chose, que tu es impatient de me dire quelque chose. J'ai rien à dire. Mais je suis avec toi. D'accord. Et d'ailleurs, que fait cette dague de chasse à ton côté? Rien. Quelle dague? J'ai vu que tu tournais beaucoup autour de mon fils. Quoi? Non, c'est moi qui tourne autour. Ah bon? Depuis quand? Alors, si tu veux de ce vaurien, C'est pas de ça que je veux. Je serais heureux de te faire ma bru. Tu as l'air d'une brave fille, de ne pas renacler à l'ouvrage. Tu as un gentil sourire, je pense que tu le rendras heureux. Oh mon Dieu! Il n'a que 14 ans! Moi j'ai quel âge? Je ne sais pas. J'ai 18 ans. On a combien d'âges d'écart? 4. 4 ans. 4 ans d'écart. Ça fait beaucoup quand même. Bon, je veux dire que quand il aura 20 ans, j'aurai 24 ans. J'aurai presque l'âge de son frère. Non, l'âge de Irène. Bon, ce n'est pas de ça que je veux parler. Alors, de quoi souhaites-tu me parler? Mais sache que je n'y verrai aucune objection. Je serais heureux de te compter dans ma famille. Au début, tu dis ça, mais pas après. Alors, je sais que ça sera oui cette réponse, mais bon, vous connaissez Irel et Brimbel? Naturellement, oui. Tu n'ignores pas que cette brave Irel est ma bru. Bon, quant à la Brimbel, tout le monde la connaît ici, c'est une fille qui court les prés pour exciter hommes, femmes et bêtes. Vous n'aimez pas Brimbel? Pas plus que cela. Mmh. Elle est toute préoccupée à charmer ce qui passe à sa portée. C'est ce que vous pensez? Oui. D'accord. Sachez que Irel et Brimbel veulent s'unir. Il n'en est pas question. Irel est l'épouse de mon fils. Être. C'est justement de ça que je voulais vous parler. Et de l'union. Voyez-vous, cette union est sous mon autorité. Cette union? Oui. Il n'y a pas d'union dans l'air. Il n'y a pas d'union possible. Si. Elle est déjà unie à mon fils. Si. Comment ça, si? Qu'est-ce que cette petite gourgandine me raconte là? Mais tu l'entends? Et moi qui lui promettais ta main? Bah, elle a raison. C'est une maîtresse des esprits. Si elle dit que l'union est sur la table, c'est qu'elle est sur la table. Il ferait beau voir. Ça vous fait rire? Oui. Vous n'êtes pas la première personne qui est comme cela. Calmez-vous, ça ne sert à rien de s'énerver, vous savez bien que je n'ai pas peur. Et toi, tu n'as rien à dire pour ta défense, Irel. Ce n'est pas ma défense. J'aime sincèrement Brimbel. Il est temps que vous l'acceptiez. Et c'est pas parce que j'aime Brimbel que je n'ai pas aimé votre fils. Mais votre fils n'est pas là. Brimbel est là. Nous nous aimons. Et si Sépal, notre maîtresse des esprits, accepte de nous unir, je serai la plus heureuse des femmes. Et vous devriez être ravis. Ravis de voir notre lignée s'éteindre par votre... Lignée s'éteindre. Bah, qui me donnera des petits-fils. Certainement pas ces deux... Oh mon Dieu, je fais ça ou je fais pas ça? Vas-y, moi. Tu vas faire quoi? Si ça vous fait plaisir. Il gobe les mouches. Merci. Tu es prêt à t'unir à mon second fils ici présent? Oui. Et rester parmi nous? Pourquoi pas? Mais... Oui. S'il te plaît, mère, tu ferais à la fois une heureuse, un heureux et une autre heureuse. Ce serait le bonheur. Une heureuse? Hein? Ce serait le bonheur, mère. Je fais ça pour votre bien. Je me sacrifie. Je veux plein de respect après. Il faut trouver le chemin du cœur. Tu dois trouver une carte de cœur, ce qui devrait être facile pour achever de la convaincre. C'est celle-là, normalement. Oui! Youpi! Et c'est donc la carte de... Brimbel. Oui. Je suis trop forte. Mémoire, mémoire. Et tu sens que le cœur éprouvé. Tu vois que sa résolution, les rides qui venaient encadrer son regard avec tant d'austérité, ces rides semblent fondre quand elle voit le regard illuminé du jeune fenouil. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis bête. On se promènera, on fera le tour du lac jusqu'à la fin de notre vie. Pardon. Oui, si tu veux. Tu es d'accord? Si tu veux. Mais après, j'aurai plein de questions à te poser. Toutes les questions que tu voudras, mamie. Donc là, t'as établi un lien très fort, mais d'évidence, avec Fenouil. Tu sens que quelque chose en lui s'est illuminé. Il a retrouvé Tu as vu combien son regard était enamouré. Tu l'as senti, tu l'as perçu. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui est apparu. Une espèce de sérénité. Ou quand. Je ne l'ai pas précisé, je le précise donc. Lorsque un aspect est complètement écarté de la situation qui était la situation, la carte est retirée. Donc, je te l'avais... C'est la cabane ? La cabane, ouais. Dans la cabane, tu avais vu... Les chats. La corde. La corde et les chats. La corde et les chats, voilà. D'après toi, à quoi ça correspond le fait que je... veuille retirer cette carte, défausser cette carte? Je sais pas. Alors on va... Si tu ne sais pas, je la maintiens, mais celle-là, tu la connais, tu l'as explorée, etc. Donc voilà la situation telle qu'elle t'apparaît. Bon, j'ai pris toute cette partie-là, presque. Ça. Et même si... Tu as le sentiment d'avoir consenti à un sacrifice. Tu sens que le jeune... Le jeune homme à qui tu t'es promis, de fait, n'est pas... l'envisage de façon presque idyllique, comme il évoquait ses histoires de guerre, et que la perspective de pouvoir t'accompagner, simplement se promener autour de lac, du lac avec toi, déjà le ravit. Ce que tu ressens, c'est que c'est pas le regard qui était posé sur toi ou celui qu'il avait lorsqu'il tenait ta main en folâtrant avec sa dague au côté, en plastronnant. C'est plus cette attitude-là. C'est bien une attitude intense, celle qu'il a eue quand il t'a regardé sans ciller, droit dans les yeux, et qu'il t'a dit que jamais il ne trahirait ton secret. Et qu'il serait là pour toi comme tu avais été là pour lui, au cœur du bois. La question qui suit immédiatement alors que t'es en train de manger ta soupe du matin, c'est et quand célébrerons-nous cette union? Quand tu seras majeur, voilà. Il est déjà majeur. Quand tu seras indépendant. Quand t'auras 18 ans, non, quand t'auras 20 ans, voilà. Quand t'auras 20 ans. Parce que tu n'as pas l'âge pour avoir une femme encore. Tu n'as pas l'âge. C'est sûr que tu n'as pas l'âge. Souviens-toi de ce que t'avait dit Erel. Et Brimbel, au sujet. Alors, c'est d'abord Erel qui t'a dit. Fais attention, j'ai vu qu'il était. Qu'il te tournait autour. Prends garde, il a le cœur fragile. Fais attention à ce que tu lui laisses entendre. Comment je vais dire ça? Et là, la question, elle est posée par Elébor, qui veut savoir quand on organise l'union d'Erel et de Brimbel. Puisque cela vous semblait quelque chose d'important et que mon cœur n'est pas un cœur de pierre, contrairement à ce que certains pourraient penser ici. Il me semble qu'il faut sans délai célébrer l'union de ces deux jeunes femmes qui n'ont que trop attendu. D'accord. Ce soir. Cela me va fort bien. Mère, et pour nous deux? C'est bon, je me suis dit. Mais c'est... Désolé. Je veux pas... C'est pas bien de demander, en fait. C'est ça, mon fils. Le temps viendra. Le temps viendra. sceller l'union, tu vas procéder à un rituel. De quel élément aurais-tu besoin pour lui conférer un caractère solennel qui puisse conférer une importance à la cérémonie? Que pourrais-tu Je sais pas. Alors tu as le droit de bien évidemment tu as tes possessions, voir si un élément permettrait de dans ceci de conférer un caractère solennel. Elles doivent faire le bracelet avec... Elles vont s'échanger mutuellement un bracelet fait des cheveux de l'autre. D'une mèche de cheveux de l'autre. C'est un très beau rituel. Et donc la journée n'est pas une journée comme les autres, si ce n'est que tu te rends compte que ce que tu avais vaguement supposé en posant des questions, en arrivant parmi les premières questions que tu as posées à Fenouil en arrivant, en lui demandant s'il mangeait tous les jours à sa faim, c'est qu'en faisant les préparations, tu as vu le garde manger, tu as vu l'état du clapier, ce que tu n'avais pas vu auparavant. Ils n'ont quasiment plus de farine, c'est pour ça que tu n'as pas vu de pain. Et qu'on t'a servi ta soupe dans une assiette. Il y a... Toutes les réserves sont au plus bas. Dans le clapier, il reste que 2 lapins. Une douzaine de poules, la plupart âgées, qui couvent 2 à 3 œufs au total par jour. En gros, c'est faux ce qu'il m'a dit. Certainement pas de quoi couvrir les besoins de toute la maisonnée. Alors certes, pour le repas exceptionnel du soir, oui, cet effort sera fait, consenti. Mais d'évidence, ce qui a traversé... Alors, tu n'as pas nécessairement... évoquer cela lorsque tu exerces tes talents guérisseuses, c'est souvent en échange du gîte et du couvert. Oui. C'est pas ta fortune, mais en revanche, peut-être que tu pourrais te délester de ta pierre pour aller dans la vallée. Acheter de quoi remplir la resserre du village. Oui. Et la négocier contre de la farine, par exemple. Oui. Tu as arrêté cette décision, ce qui, d'une certaine façon, te rassure. Est-ce que tu donnes un lustre particulier, un décorum particulier à la cérémonie d'union de Brimbel et... Je les laisse choisir. En toute simplicité ? Oui, en toute simplicité, simplement. Je rêverais qu'on mange tous ensemble dans notre maisonnée qui est désormais la nôtre à toutes deux. La maison. Mais je voudrais la finir. Peu importe. C'est juste le plaisir de vous voir tous chez nous. D'accord. Et donc, au lieu de manger chez les bords, vous allez manger, effectivement, vous portez les plats à quelques distances dans la maison qui est désormais celle de Brimbel et d'Erel. Erel avait elle-même... une chambre au-dessus de l'étable et elle vient te trouver et te dit si tu veux, je la tiens de mes parents qui ont été emportés il y a 10 ans par la maladie. Mais tu pourrais très bien occuper avec ton promis la chambre qui était la mienne. Je garde l'étable pour les vaches. Mais ce sera désormais ta maison, à toi et à Fenou. D'accord. Merci. Je te demanderai en échange de nous prêter ton concours ainsi que Fenouil pour achever la maison. D'accord. Passez une belle soirée et tu vois Elébor sous un autre jour, elle est détendue, son visage n'est plus crispé. Elle te sourit régulièrement, elle rabroue beaucoup moins son fils. Elle le laisse dire, même si parfois il a des saillies un peu surprenantes, et qu'il est, qu'il s'emporte vivement quand on le moque ou souligne ses insuffisances. Lui parles-tu de l'offre que t'as faite Oui. Il faudra que j'aménage notre logis alors. Vas-y. Et donc il déclare à sa mère et demande à sa mère d'être déchargée d'une partie des tâches de livraison de fagots à la vieille, etc. Parce qu'il envisage des travaux d'aménagement de l'étable pour que vous puissiez emménager, toi et lui, dans les meilleurs délais. Ce que sa mère accepte sans rechigner. Un peu plus d'une semaine s'est écoulée. Les deux jeunes femmes sont ravies. Elles passent une bonne partie de leur temps à progresser dans la réparation. Et on t'a confié incidemment, plutôt que la tâche à proprement parler, d'achever la maison, même si tu participes par intermittence. Plusieurs fois, tu es allé mener les bêtes à la place de Brimbelle jusqu'à la pâture. Tu as, ce faisant, recroisé la jeune fille et déambulé un petit peu seule, désœuvrée, au milieu des vaches. Le troupeau qu'on t'a confié, ça t'est déjà arrivé d'accompagner les vachers quand tu étais plus jeune dans ta communauté. C'est pas un défi particulier. De braves vaches qui obéissent, presque, qui se dérobent pas trop et qui acceptent de grimper la pente et de la descendre encore plus vite parce qu'elles ont hâte qu'on les traite. Cet aspect-là est moins plaisant et te fatigue un peu plus, mais ma foi, c'est un tour agréable, comment dire, que tu n'aurais pas envisagé en arrivant en ces lieux, de te voir ainsi faire pâturer les bêtes et trouver un certain plaisir à leur contact. Un calme apaisant qui contraste maintenant avec les repas du soir qui sont animés, où les gens discutent et où ils n'ont pas nécessairement tous les souvenirs qui sont les tiens, qui sont ceux que tu comptes aux mèches de cheveux sur ton bracelet. en déambulant, tu as remarqué à l'orée de la pâture, dans un petit bosquet, des morceaux de bois agencés et formant une petite cabane. Au prime abord, tu as pensé à la cabane de fenouil, mais ce n'est pas celle-ci. C'est beaucoup plus modeste. Et au-dedans, dans la petite cabane, tu as vu une statuette de bois parfaitement ciselée, avec une grande habileté, qui restitue un corps presque en majesté pleine, plein d'une grandeur, une grandeur d'âme, une élévation, un corps d'homme qui se projette vers le haut avec un aspect naïf dans la représentation du corps, mais en revanche des détails particulièrement soignés et figuratifs, un visage extrêmement détaillé, la moindre arête, le moindre trait est reproduit avec une fidélité surprenante. Une petite statuette d'une vingtaine de centimètres de haut, au milieu des brindilles et des herbes. Et alentour, tu as remarqué des traces de passage, les herbes sont couchées, quelqu'un y vient régulièrement. Sans que tu surveilles particulièrement les allées venues, tu as aperçu une espèce de grand échalas, le seul homme que tu aies vu depuis que tu es arrivé au jardin du roi, le seul homme en dehors de ton promis. Mais celui-ci, c'est un vieillard hirsute, un grand bonhomme qui se tient de guingois avec des vêtements tout dépenaillés. Dès qu'il t'a vu, il a détalé. D'accord. Oula. Bonjour, au revoir. Et les jours suivants, tu as aperçu fugitivement la silhouette, mais te voyant dans le pré, il est reparti au cœur du bois. Mais manifestement, lui n'a pas peur d'aller au cœur du bois. Nous sommes au cœur de Floréal. Le temps est au beau fixe. Le temps est au beau fixe et semble souligner la liesse qui accompagnait l'union d'Erel et Brimbel. Et alors que tu t'apprêtes à mener le troupeau sur les hauts, tu aperçois un homme qui s'avance sur la route. Il porte sur le dos des ballots, plusieurs ballots, un grand havresac, il a un bâton de marche et s'apprête à se rendre dans le hameau. Est-ce que tu te portes à sa rencontre ? Oui. Tu l'approches, les vaches habituées à ta présence désormais te suivent. Et vous vous retrouvez au milieu des vaches qui meuglent leur salut aux voyageurs. Bonjour, madame. Bonjour. Il a une trentaine d'années. Moi, c'est Cèdre. D'accord. Et vous ? Je vous ai jamais vu ici. Je fais la route depuis plusieurs années. Vous êtes la nouvelle épousée de qui ? De Fenouil. Oh, ravie, madame. Alors, vous êtes la bru de Les Bords ? Oui. Ah, ben, il y a quand même une bonne nouvelle. Ça atténuera celle que j'amène. Pourquoi ? Bah, ma foi... Quelle est la mauvaise nouvelle ? On a eu le passage de l'armée en bas dans la vallée. Oui. Bah, les troupes refluent, elles ont été repoussées à la frontière. Un grand massacre. Ah. Et, Vous savez s'il y a eu combien de morts ? Des morts innombrables, ils sont en train de recruter une nouvelle fournée pour les perdre à nouveau à la guerre. Ouais. Je vous cache pas que j'ai hâte de franchir le col et de me retrouver de l'autre côté. Et t'arriverais pas à m'enrôler et j'ai aucune envie d'aller perdre la vie là-bas sur le front. Vous savez s'il y a un certain être qui est mort ? Ma foi, oui. Il est mort ? Il est mort. D'accord. C'est le message que je dois porter à Les Bords. Ben, je vais le faire, je vais vous épargner cette tâche. Pour tout dire, j'étais un peu inquiet à l'idée de devoir lui dire cela. Parce que je redoutais sa réaction. Vous pouvez pas imaginer, elle a perdu son mari. Et... quasi... après que... votre lui soit venu. Et il a pas profité de son fils, hein. Pas eu le temps. Et puis là, il est parti enthousiaste, hein, le être. Mais il est tombé au champ d'honneur. Mmh. Hein, ça, vous pourrez lui dire. Il en a aussi des ennemis, hein, mais il reviendra pas. Et personne du village, tous morts. Mmh. D'accord. Bah, je vais lui annoncer ça. Alors, a priori, personne m'a vu. Je continue ma route et je vous laisse apporter, jouer les oiseaux de mauvaise augure. Vous êtes dans la famille, vous saurez comment y faire. Allez-y, bonne journée. Bonne journée à vous, madame. Merci. Et tous mes voeux de bonheur. Merci. Et tu le vois gravir la pente avec une certaine hâte en regardant derrière lui, voir si personne ne l'aperçoit, s'arrêter sur le chemin pour que, effectivement, il n'ait pas à compter ce qu'il en est. Quelle est ton intention à cet égard ? Vas-tu indiquer à Les Bords Bah oui, j'ai pas trop le choix. Tu vas lui confier la disparition Oui. De son fils ? Oui. Et la venue prochaine des recruteurs qui viendront chercher Fenouil ? Oui. T'aurais bien envie de suivre le colporteur. Mais bon, il faut bien que je lui dise. Est-ce qu'il faut bien que tu lui dises ? Bah oui. Qu'est-ce que tu es en train d'insinuer ? Je te pose la question. Non, je vais le faire, je vais le faire. Je vais mourir, mais je vais le faire. Et Que ressens-tu à l'idée qu'on appelle sous les drapeaux le brave Senouil? On a un peu du dégoût, mais je vais voir sa réaction. C'est lui que tu vas trouver en premier? Non, sa mère. C'est plus important. Au pire, je fais les deux en même temps, voilà. Est-ce que tu te ménages une rencontre distincte ou tu as ensemble? Ça sera plus rapide. Tu veux que ce soit rapide? Oui. Ou tu veux que... Comme ça je pars après. Pardon? Comme ça je pars après. Comment lui annonces-tu les choses? Bah, je sais pas. Je sais pas comment dire, c'est juste. Bah, ton fils, voilà. Ton fils est mort, voilà. Allez, au revoir. Et, tu te souviens de... être... Bah oui, qu'elle s'en souvient. Que c'est chouette. Tu lui annonces tout bonnement que son fils est mort comme cela? Non. C'est ton fils est mort, Yopi. Non, sinon elle va vraiment me tuer. Elle a dit... bonjour, tout de même si on s'est vu. Bonjour, ma fille. J'ai appris une très mauvaise nouvelle. Je me disais que je ne voyais pas ton sourire si charmant. Tu sais que depuis que tu es parmi nous, la vie... comment dire? La vie me peinait. C'était... souffrance qui succédait à la souffrance de voir mon fils parti à la poursuite de Van Gloriole, mon aîné, et de voir mon jeune fils qui s'étiole, qui veut l'égaler sans pouvoir le faire. C'est justement... Et tu lui as... Et ma fille, tu as redonné confiance à mon brave Fenouil. Tu as été celle qui a su lui redonner goût à la vie. Sais-tu ce qu'on a trouvé dans le bois auprès de lui? Quoi? Là où il se cachait. Quoi? Et il l'a dit. Il l'a dit devant moi à son Bobby. Mmh. Son chien. Mmh. Il a dit qu'il ne valait pas la corde qu'il avait pour se pendre. Il voulait se pendre. Et toi, tu lui as fait oublier ce projet funeste. Tu lui as redonné goût à la vie. Depuis que tu es là, il est métamorphosé. Depuis que tu es là, enfin, il est lui-même. Et moi qui avais vu la corde, connaissait l'existence de la corde et qui n'avait pas su, pas voulu. Je suis allé la prendre, la lui dérober. Ma fille, tu m'as redonné un fils. Tu as béni l'union de ma bru, mais tu m'as donné un fils. Un fils que j'ai négligé. Je suis tellement heureuse de t'avoir pour fille maintenant. Aux côtés d'Erel et Brimbel, nous formons une communauté, une vraie communauté, comme les cheveux que tu as tressés à ton poignet. Nous sommes maintenant unis grâce à toi. Ha ha ha ha. Pardon. Je sais que j'ai apporté du bonheur, mais là, j'apporte une très mauvaise nouvelle qui risque de faire beaucoup de mal. C'est au sujet d'un de vos fils. T'écoute, ma fille, tu peux pas me faire souffrir. Tu m'as donné le goût à la vie, tu m'as redonné mon fils, je te l'ai dit. Mais en fait, de vos deux fils, eh bien, être a disparu. Il est sans doute mort au combat. Je le savais, ma fille. Tu le savais ? Je l'ai vu au cœur du bois. Il est devenu l'homme arbre. Je l'ai vu tant de fois. Je me refusais à l'admettre. Maintenant, je sais que tu es auprès de moi et que mon autre fils est là. Je crains que les rumeurs de guerre ne viennent jusqu'à nous et que à nouveau les recruteurs entonnent leur clairon gloriole. Je viens confirmer ça aussi. Ils vont venir bientôt. Prends mon fils, mon autre fils. Va sur les routes avec lui. Fais-en ton apprenti. Il n'est pas très... C'est un duo. Soyons francs. Mais il est bon. Et il fera pour toi un bon apprenti. D'accord. Accepte-le comme apprenti. Qu'il devienne ton maître des esprits. Est-ce que ça te convient comme fin d'histoire ? Alors. Ça va. Alors, je vais te demander oui. Ce que tu as pensé. Alors, dans... Il y a eu, des émotions qui te sont venues oui. Dans la partie. Est-ce que tu t'es senti dans un cadre qui était malaisant? Non. Est-ce que tu as apprécié l'histoire que nous avons contée ensemble ? Oui. As-tu senti que tu avais ton importance ? Oui. Dans l'histoire ? Oui. Est-ce que l'expérience t'a plu ? Oui. Du coup, je savais ce que ça voulait dire, cette carte-là. J'ai appris dès que le frère est mort. Du coup, quand il a dit qu'il devait devenir un homme des arbres, L'homme arbre, il voulait dire qu'il voulait mourir. C'est ça. Il voulait se pendre. Donc il y a, en fait, toutes les cartes ont été révélées, sauf on a révélé toute l'histoire, excepté. Saul, celui que j'ai rebaptisé Saul, qui, la préparation a un autre nom, mais c'était pour cadrer avec le côté montagnard, etc., et avec le cadre montagnard, c'était un vétéran. Donc je te donne les éléments. Lui, il était vétéran. Les hôtels que tu as examinés, que tu as trouvés, tu as trouvé un hôtel à la limite de la prairie, était un hôtel où il déposait des figurines qui représentaient ses compagnons qui étaient morts au champ d'honneur. Et lui, il ne se pardonnait pas d'avoir réchappé à son sort sur le front. Il comprenait pas pourquoi lui avait survécu et pas ses compagnons. Donc c'est le seul aspect qui, à mon avis, t'as pas mesuré dans la préparation. Le reste, je pense que t'as vu. Donc la disette menaçait. Mmh. Et, Fenouil, t'avais évoqué les charbonniers. Mmh. Le dernier point qu'on n'a pas réellement creusé, mais si tu t'investissais pas dans la communauté, le risque c'était que les charbonniers deviennent des brigands parce qu'ils avaient plus rien à bouffer. Ah. Donc à un moment donné, il fallait se investir là. Il fallait alors. Du coup, il y avait deux cœurs. Sur memory. Sur la mécanique. Est-ce que la mécanique, le fait d'avoir des cartes à mémoriser qui étaient en lien avec les personnages et les lieux, est-ce que ça a mobilisé ton attention pendant la partie? Oui. Est-ce que c'était un frein à ta création ou au contraire, ça a soutenu ta création, le fait de savoir que certains éléments avaient une importance, c'était sur cela qu'il fallait s'appuyer et que d'autres étaient plus secondaires? Oui, ça a aidé. Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans cette partie? on me demande vraiment ça à moi. Moi qui aime tout, presque. Presque. j'ai rien de mieux à dire. C'est comme d'habitude. J'ai bien aimé l'histoire qu'on a jouée. Bon là c'est bien, mais par contre des fois je confondais des personnages, des fois j'avais peur aussi de confondre des personnages, mais après dès que j'ai tout compris c'est bon. Après j'ai même plus besoin de noter, t'as remarqué? Oui j'ai vu que au début tu notais juste, c'est une oui. Question, pourquoi c'était qui Épinette? Que Épinette c'était je l'ai pas désigné de carte. Donc c'est pour dire qu'elle n'était pas très importante. Pas très importante. J'ai trouvé que c'était sympathique et ça créait un contraste avec ce qu'avait. J'avais un truc à dire. Je l'ai dit par le biais d'Épinette, une suggestion à faire avec le papillon, etc. Et que ça créait un contraste avec la scène avec Fenouil. Mmh. La scène que j'envisageais d'ores et déjà, le retour de Fenouil. Et je voulais t'offrir la possibilité de le suivre. Mais il y a un moment qui m'a fait rire, juste quand le moment où mon personnage devait annoncer à la mère. C'est exactement le moment le plus embarrassant du monde. Elle dit tu es tout pour moi, tu as tout changé dans ma vie, et là tu annonces une très mauvaise nouvelle. Tu vois. J'étais ok, je vais mourir. J'ai presque tout fait en une action, j'ai fait tout. J'en ai fait que deux. Voilà, mais tu les as réussi, c'est très bien. C'est très bien. Le minimum. J'avais pas d'idée pour les petits verres. Quand tu m'as dit tu le fais ou tu le fais pas. Voilà, c'est tu pouvais très bien. Je suis honnête. Voilà, mais. Manière, elle va le savoir, mais tu pouvais considérer qu'il fallait laisser les sergents recruteurs monter jusqu'à eux et puis advienne que pourra. Sinon, nous, il serait. Il serait plus là, quoi. Et là, je t'ai offert l'opportunité de suivre Fenouil, et dans ce cas-là, Fenouil est un apprenti. Et donc, dans ce cas-là, si tu acceptes ça, là. Ça aboutit sur une proposition. Une deuxième partie, mais on inverse les rôles. Parce que moi, je joue Fenouil comme maître des esprits, qui est ton apprenti. D'accord. Et toi, c'est toi qui fais la préparation. Ah bon? Et qui va devoir dire si Fenouil est capable de devenir un maître des esprits. Oula. Est-ce que ça t'intéresserait de le faire? Oui. D'accord. Bah je vais réussir, hein. Même sans le livre, je vais réussir. Alors je te passerai le livret pour que tu puisses t'en imprégner. Mmh. Une dernière question. Je t'ai demandé si il y avait des choses qui t'avaient gêné dans la partie. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu plus que d'autres dans la partie? Des aspects qui étaient propres à notre partie là, singulière à Jardin des Esprits. Eh bien, le début et la fin et le milieu, j'ai bien aimé aussi. Le milieu, voilà, vers la fin, le début. Voilà, je vais faire une crise chronologique. Donc, personne n'a compris ce que j'ai dit là en ce moment, s'ils ne voyaient pas les gestes. Alors, en gros, c'est la période où tu as rencontré Fenouil au début, ça t'a plu ce moment-là? Oui. Donc, c'était... Et aussi quand on a rassemblé Irel et Brimbel. C'était, oh mon dieu, c'est la période du... dans les films, on dit, oh, je ferai tout pour toi. Il dit quelque chose que t'aimes, plaît pas. Et du coup, il s'embrouille. Voilà. Qui te plaît pas. Je sais plus parler. Eh bien, moi, je tiens à te remercier pour cette très belle partie que j'ai faite avec toi. Moi aussi, hein, je te remercie pour la préparation et tout ça. Et j'ai hâte de rejouer. Au revoir.